Alors, restez quand même dans le coin. Debout, éducation populaire. On n'a pas encore terminé. Il nous reste encore une intervention. Pierre, 20 minutes. Et il va nous présenter. Donc, il va nous présenter émancipation et pensée du complexe. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air intéressant. Voilà. Du coup, je laisse la parole à Pierre. Oui, moi je voudrais, pas que je traite la question de la pensée complexe. Il se trouve que le dernier épisode complexe vient de Macron, qui a justifié son absence à la juillet, disant: je suis trop complexe pour discuter avec vous, journalistes. Or, ça fait rire pas mal de monde, y compris le journaliste de l'Humanité, qui rapporte le propos pour ne pas le prendre au sérieux. En racontant, Macron nous est plus intelligent que nous, puisqu'il refuse l'entretien. Donc, ça c'est un épisode qui prouve que le complexe, Macron méprise le complexe, mais que le journaliste qui rend compte de sa complexité, lui ne le méprise pas parce qu'il ne connaît pas le contenu de la théorie complexe. Alors, il se trouve que moi, qui fus marxiste et qu'il est encore, j'ai fréquenté l'espace Marx et les philosophes du Parti communiste, qui traitent le marxisme est censé produire des théories qui ont un effet social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez produire une analyse de la société, vous êtes capable d'influer sur le cours de cette société. Donc, j'ai un physicien nucléaire qui m'a indiqué qu'il connaissait Jeanine Gaspin, spécialiste de la complexité. Donc, un jour, je Marx et à côté de Jeanine Gaspin, que je reconnais parce qu'elle était sur une vidéo comme conférencière au Brésil sur les questions complexes. Est-ce que ça vous dérange d'asseoir là Adèle, tu peux pas faire le ménage. Boris, si tu veux parler, tu vas ailleurs avec ton copain. Donc, Jeanine Gaspin, je dis: Madame, vous êtes de la pensée complexe, pourquoi ne donnez-vous pas une conférence à l'espace Marx? Elle me répond: je suis interdit par la direction de donner cette conférence, et pour ne pas citer le directeur, c'était à l'époque, c'était Cohen Seat, qui paraît-il a été remplacé, mais c'est pour moi c'est la même chose. Et donc ça signifie que les théories complexes qui sont censées être étudiées par les philosophes sont boycottées scientifiquement par la direction marxiste du PCF français. Donc alors depuis ça c'était il y a 5 ou 6 ans et il y a Depuis, Jeanine Gaspin donne des conférences, mais elle les donne hors le siège national qui est à Fabien. Et donc, alors moi, je prétends que Mélenchon a assimilé la pensée complexe, que Macron l'a assimilée, mais que par contre, il y a une forte résistance. Des mouvements qui se prétendent de gauche, les associations qui sont nées des bâtons pris nuit debout pour assimiler cette pensée qui va à l'encontre de l'éducation que nous recevons tous, dès l'école maternelle. L'éducation que nous recevons correspond à une pensée linéaire. C'est-à-dire que il y a le bon sens, il y a par exemple la cause qui produit un effet. C'est ce qui permet de pratiquer le quotidien à partir d'idées tout à fait banales et ordinaires. Or, le système dans lequel nous vivons n'est plus dans la pensée linéaire, c'est-à-dire qu'une cause ne produit pas simplement un effet. Moi j'ai fait la toile que vous voyez là derrière moi, je vous la voyais peut-être. Avant la complexité, on pouvait considérer que la société fonctionnait en chaîne directe. On oublie cette boîte-là. C'est-à-dire que vous avez une idée, la boîte qui permet de la fabriquer, et vous avez sa réalisation. Donc c'est une espèce de dictature approuvée par tout le monde. On prend une décision, on prend les outils qui la réalisent et on fabrique ce qu'on a envie de fabriquer. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut toujours, quand on a produit quelque chose, on n'a pas besoin d'ordinateur. Sauf que c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut examiner ce qu'on fabrique. Et quand on a examiné, l'examen se fait dans cette boîte qui s'appelle une boîte de... Dans la boîte de réaction, vous avez un avis qui sort, qui vient de l'analyse que vous avez faite. Vous avez un produit, vous l'analysez. Au bout de ce truc, il y a une analyse. Cette analyse est confrontée à l'analyse initiale. Et c'est confronté dans un espace à la fois informatique et réel, qui font que la fonction de réalisation de votre produit est modifiée par la chaîne de réaction. Donc ça signifie que, d'une certaine façon, la chaîne de réaction représente la démocratie, puisque vous pouvez proposer une réflexion sur un produit. Dans un système où la démocratie n'existe pas, cette chaîne de réaction est supprimée. Donc ce qui se passe, c'est que toutes les fonctions d'EM sont vives parce qu'il y a des liens entre individus. Là-dedans, vous avez des individus, là aussi, partout. C'est-à-dire dans tout le système est habité par des humains. Même si on peut considérer aussi que dans la nature, on retrouve ces schémas fonctionnels. Et donc, dans le système est stable en fonction de la nature des liens entre individus. Vous avez trois types de liens entre individus. Vous avez le lien individuel, c'est-à-dire vous réfléchissez à ce que vous êtes ouvriqué, et j'ai appelé ça le lien L1. Vous avez le lien monodirectionnel, c'est-à-dire vous avez un lien d'un individu vers l'autre. Vous parlez à un individu qui reçoit votre parole. Lui ne vous parle pas, vous ne pouvez pas recevoir sa parole. Donc ça veut dire que c'est un lien unidirectionnel. Ensuite, vous avez les liens bidirectionnels, c'est-à-dire que vous parlez à un individu, il vous répond, donc il y a un dialogue qui s'instaure. La stabilité de tout système, les conditions de son existence sont liées à la nature des liens, à la nature des liens internes. Et le Macron a compris que cette théorie qui fournit une justification scientifique de la société, c'est quelque chose dont la connaissance n'est pas, n'est pas populaire. Donc c'est simplement soumis à la protection de la science, la protection de ceux qui... Et donc, moi, ce que je pense, c'est que si on n'a pas cette vision de la société, on peut pas la comprendre. Et donc, la question est de savoir, le système qui est représenté peut représenter à la fois le système capitaliste et le système dit socialiste. Sauf que dans un système capitaliste, beaucoup de liaisons bidirectionnelles, vous avez plutôt du monodirectionnel, et vous ne fabriquez pas les mêmes choses dans le socialisme ou dans le capitalisme, parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Le monodirectionnel, il va vous produire quelque chose qui n'est pas la même chose que s'il y a une discussion sur la nature de ce qui est produit, c'est-à-dire s'il y a des liens bidirectionnels. Donc, le modèle peut s'appliquer aussi bien au socialisme qu'au capitalisme, mais que, suivant la nature des liens internes, on a le socialisme ou le capitalisme. Or, si vous voulez, la grande force de la bourgeoisie, c'est de faire croire qu'on est dans le chaos et que eux seuls connaissent les lois qui nous permettent de sortir du chaos. Et jamais que la solution socialiste est possible. Et donc, dans son bouquin, elle prend la Grèce comme exemple en disant que la Grèce a été un test, qui n'est pas terminé d'ailleurs, c'est que il y avait des solutions économiques pour le reste du marasme et que l'Europe a interdit à la Grèce d'appliquer ces solutions économiques. Donc ça signifie qu'on a dit qui se sont substitués aux choix économiques. Donc voilà, moi je suis un peu confus et destroyé, mais la grosse question qui se pose aujourd'hui, si les interprétations de situation de la situation politique française, elles sont entre les mains et entre les moyens de la droite. La gauche a perdu les moyens. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, si vous voulez, un lieu comme Nuit Debout, c'est un lieu où plusieurs opinions peuvent s'exprimer, où il y a un débat théorique, où il y a un débat aussi sur les pratiques. Et c'est un lieu exceptionnel parce que quand vous ne trouverez pas dans Paris d'endroit où on gère ces concepts, sauf les think-tanks de la droite qui font des séminaires avec des moyens financiers, bien sûr, pour faire sur les situations. Donc la gauche, à l'heure actuelle, est démunie, et c'est vrai aussi que Mélenchon, qui avait ouvert le débat, et ce qui avait conduit à gagner 7 millions de voix, il a fermé le débat, où il a refusé de toute discussion avec qui que ce soit. Et donc, pour moi, Mélenchon alimente une espèce d'échec après avoir réussi une opération hors des partis où il était très déprécié et n'avait plus les moyens d'agir. Et donc, ce que je pense, c'est que Nuit Debout doit trouver les moyens de fabriquer du lien social. C'est-à-dire de fabriquer ces liens que j'ai désignés L1, L2, L3, les augmenter le nombre de ces liens pour rendre les citoyens capables d'influer sur les productions, et y compris la production sociale. Donc voilà, j'arrête de parler. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci, donc on ouvre au débat. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent c'est dit? Donc vous me faites un signe, je vous passe la parole. Je vous rappelle qu'on est sur une lecture d'un livre L'émancipation et la pensée complexe. Mais je voulais savoir c'est quoi la pensée complexe. Donc Non mais Caleb, je sais, c'est très difficile. Alors, la pensée complexe, c'est une théorie qui permet de comprendre les lois sociales qui nous régissent. Ça peut être le commentaire de ce dessin. Donc moi j'ai fait un commentaire. Si tu poses cette question, ça veut dire où tu l'as. J'ai été obscur. Je pense que tu peux. Est-ce que tu peux pas compléter ta question parce que je reste sec là. La pensée complexe, c'est. Merde, attends, je suis sec, je suis fatigué. Vas-y, continue. Je reprendrai peut-être le micro. Tu veux préciser ? Oui. Donc en fait, ce que je voudrais savoir, c'est j'ai vu un peu avec des boîtes, t'as des boîtes, puis un retour. Je vois pas la pertinence quoi de la chose. Enfin, je comprends pas bien en fait. Je comprends pas trop. Non, en fait, je comprends pas. Ce serait bien si tu pouvais développer. Je vois pas ce que c'est que la pensée complexe. Qu'est-ce qu'elle a comme différence avec la pensée linéaire causale? Et en quoi c'est pertinent? En quoi c'est intéressant? Et pourquoi je vois pas en quoi, par exemple, la droite connaîtrait la pensée complexe et la gauche ne connaîtrait pas la pensée complexe. Enfin voilà. Je suis pas quoi. Je comprends pas. Donc je vois. Si tu pouvais développer, si tu pouvais développer quoi. Et peut-être aussi du coup la distinguer de la comme ça. Ça te donne un cadre. Par exemple, attends, on fait voir. Voilà, c'est-à-dire, si tu veux, Caleb, tu m'entends là? Je veux dire, la pensée complexe, c'est une pensée qui permet de définir, dans une situation, elle permet de tracer un schéma, ce schéma-là. Un système, c'est un ensemble de boîtes fonctionnelles. La complexité signifie que l'analyse de chaque boîte est insuffisante pour connaître le fonctionnement du système total. C'est-à-dire que la pensée classique, c'est j'étudie A, j'étudie B, j'étudie C, j'étudie. Et donc, le système, c'est l'ensemble A plus B plus C. Ici, on pouvait dire je connais A, je connais B, je connais C, donc je connais le fonctionnement du système. Bon, la découverte de Prigogine, c'est que il a découvert que A a certaines relations, qui peut avoir des relations avec A, c'est-à-dire les boîtes sont interconnectées, chaque partie est interconnectée, et ça provoque un fonctionnement qui peut parfois être déduit des fonctionnements de chaque boîte, mais grosso modo, le système a un comportement qui peut être émergent. Or, une émergence, et c'est une propriété dynamique de l'ensemble AP qui dépasse toute prévision à partir des comportements de chacune des boîtes. Je ne sais pas si c'est plus clair ou pas. Peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent. On prend d'abord celles qui n'ont pas parlé pour cette intervention et ensuite Oui, vas-y. Je vais pas parler longtemps. C'est juste simplement. Est-ce que tu pourrais exemplifier dans la société avec un exemple concret ton propos, quoi, parce que c'est pas clair pour moi du tout. De me donner, parce que là, de système, de boîte, de A, de B, de C, est-ce que t'as pas des exemples concrets dans la société, puisque tu pour toi, ça a quelque chose, ça a un rapport avec le concret, hein, puisque tu parlais de la société, tu parles de politique, etc. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Retour de la question sur la pensée circulaire. C'est pas exactement la pensée circulaire. C'est par exemple, si tu veux, ça fait des partis politiques existent depuis 1870-80. Donc depuis, ça fait donc plus de 100. Tu peux dire que un parti politique, c'est une boîte fonctionnelle qui a un programme pour aboutir à un résultat. Donc, moi, quand je dessine une boîte parti politique, je mets grand P dans la boîte, je mets à gauche et à droite, il y a résultat. Bon, tu peux prendre la vie des partis depuis un siècle. Donc, il y a des conflits, il y a des relations entre partis. Et brutalement, puissance historique de ces partis, puisqu'on est dans la situation où ne débouche aucun programme, où les programmes se plantent, où la population ne supporte plus la structure partie, il y a totalement un mouvement du type Macron-Mélenchon. C'est-à-dire, ces mouvements étaient absolument imprévus, mais ils sont venus du fait que dans la boîte partie, les liens entre individus se sont tellement dégradés que le parti s'est écroulé. Et donc que sa fonction s'est écroulée. Si les liens internes ne sont plus viables, la boîte s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que les partis se sont écroulés, contrairement, si tu veux, les prévisions, c'était pas du tout l'émergence de Mélenchon ou de Macron, du tout, même l'an dernier. Et donc, ça signifie que puisqu'ils ont émergé, confirmé que les boîtes fonctionnelles décrites comme partis politiques étaient obsolètes. Donc, le problème qui se pose à nous, si tu veux, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Mélenchon, avec la situation qu'il a créée hors des partis, qu'est-ce que fait Macron avec le mouvement qu'il a créé? Nous, notre boulot, à Nuit Debout, c'est de savoir ce qu'on fait avec. Parce que sans l'avoir prévu, on a créé la situation hors parti sur la place de la République. On l'a créé pas seulement dans le concept, on l'a créé avec notre peau et avec un territoire. On a créé un territoire où ces questions peuvent se poser. Tu ne peux pas poser la question de la durée d'un parti aujourd'hui, tu ne peux pas la poser au PC, tu ne peux pas la poser au PS, Macron il n'a plus de parti. Non, si tu essayes de discuter de ça, tu te fais jeter. J'ai encore l'expérience. On est allé voir le PC il y a une semaine, Mélenchon nous a fermé la porte. C'est comme ça la réalité. Donc, non, mais je te parle. Non, mais Mélenchon une fois, mais le PC c'était ailleurs, c'était un autre. Donc, si tu veux, la question pourquoi il y a une émergence aujourd'hui dans la société française, c'est ça la pensée complexe. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qu'il faut analyser dans toutes les relations qu'on peut imaginer ou vérifier dans la relation du parti à la réalité, ou de l'émergence à la réalité. Tiens, filme-moi. Non, filme-moi, s'il te plaît, parce que je vais vous dire comment faire. En fait, c'est comme le yaourt bulgare. Tu as du lait dans lequel il y a des molécules, les parties, tout ça, et il faut le Bacillus bulgare et que ça devienne du yaourt et que ça s'organise. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait un noyau qui organise tous ces parties et que ça prenne par une idée qui organise. Donc, le mouvement pour le communisme à la française, avec le Front populaire comme au XIIe siècle, égalité, fraternité, liberté, va les mettre d'accord tous après les catastrophes. C'est tout. Donc faites-moi un signe si vous voulez intervenir et n'arrachez pas le micro, s'il vous plaît. Ouais, par rapport à la pensée complexe, Khaled, moi ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, Pierre faisait allusion d'abord à l'éducation. Il expliquait qu'aujourd'hui à l'école, on donnait aux enfants une éducation déterministe, où tout reposait sur la loi de Spinoza, de la cause et de l'effet. Et qu'en réalité, dans les sciences sociales, aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie complexe et qui postule que le déterminisme est insuffisant pour appréhender le réel, mais qu'en réalité, le réel, c'est à la fois du déterminisme, à la fois de l'indéterminisme, et là, ça nous renvoie à la théorie quantique en physique, mais c'est aussi la théorie du jeu. En sociologie, ça va être la sociologie holiste, mais aussi la sociologie méthodologique individualiste. Et donc, moi, je vois l'intervention de Pierre comme une sorte d'œuvre où, à travers son tableau, il nous représente, en fait, une image de la réalité à travers des éléments qui interagissent entre eux et qui représentent la réalité complexe dans laquelle nous sommes. Et alors moi, la question que je voulais poser, c'est, tu faisais allusion à la droite et à la gauche en nous expliquant que finalement aujourd'hui, le socialisme pouvait pas, contesté parce qu'il y avait une hégémonie de droite. Et alors moi, la question justement avec l'œuvre et avec la société, avec la pensée complexe, pardon. Si vous voulez, la pensée complexe, c'est une invention de Prigogine qui est en 70 et qui est partie de ça. Je l'ai déjà montré, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est l'expérience de Bénard, 1900, qui n'a pas été avant 70. Et que maintenant, il y a des équations pour expliquer ça. Il y a des équations, il y a des simulations informatiques. Dans le problème, c'est qu'il y a une partie scientifique, c'est-à-dire la théorie complexe contemporaine, qui, sur la base, c'est cette expérience-là, qui dit le chaos peut se du chaos peut émerger une structure. Et donc, cette structure en nid d'abeilles, né dans une coupelle d'eau chauffée uniformément. Si c'est pas uniforme, la figure n'apparaît pas. Et donc, pour chauffer uniformément une coupelle d'eau, il faut des technologies avancées, parce qu'on peut pas le faire sur des feux ordinaires. Il faut des feux uniformes. Donc, le problème, il est que dans la connaissance des théories complexes, elle est pour l'instant diffusée dans certaines écoles d'ingénieurs, et puis c'est tout. La faculté ne connaît pas, le lycée encore moins, l'école maternelle encore moins. Et donc, c'est une théorie qui permet de comprendre le monde, et c'est une théorie qui est dangereuse si les mouvements révolutionnaires parce que ça leur permet de comprendre ce qui se passe. Et donc la droite planque soigneusement ses connaissances qui ont un mal fou à diffuser. Moi j'ai du mal, vous voyez, ils sont réunis là-bas, moi ils me connaissent ces mecs-là, ils sont gentils là. Ils ne veulent pas écouter, ils se barrent parce que je les fatigue en ramenant, et je suis classé radoteur sur un truc qu'ils n'écoutent pas. Et donc c'est un des obstacles ici sur la place, c'est qu'on a souvent dit que les séances d'éduc pop c'était de la parlotte. J'entends ça régulièrement. Or les gens ne se rendent pas compte que la discussion sur des sujets qui sont pas, elle n'est pas possible dans Paris. Parce que si vous voulez aller au café, vous allez consommer 2-3 euros pour vous asseoir à une table. Et au bout d'une heure, on vous dira qu'est-ce que vous prenez. Quand vous avez déjà pris un café, faut en prendre un autre. Donc, cette connaissance est cloisonnée et très réprimée. Pourquoi ? Parce que c'est très dangereux d'avoir ces connaissances-là. Parce que ce système-là, donc si vous avez des batteries d'ordinateur pour étudier les mouvements sociaux, je dis pas que vous allez résoudre tous les problèmes avec ça, sauf que vous pouvez éplucher les biographies des gens, et quand vous avez, vous pouvez quand même le cas flagrant, c'est la publicité, c'est-à-dire que tout le monde sait que les publicitaires se servent des enquêtes par mail. Sauf que ils font pire que ça. Ils en déduisent des lignes politiques. Macron a réuni une équipe d'informaticiens pour faire des enquêtes de société avant de définir ce qui a ressemblé comme un programme. Que des gens ont pris le programme de Macron, c'est pas du tout une plaisanterie. Non, je me suis pris un tour de parole. Bon. Je ne sais pas, par exemple, ce que d'autres cultures penseraient de la pensée complexe, mais à mon avis, que ce qu'ils auraient dit de la philosophie d'Aristote ou d'autres, c'est une façon de penser le monde. Et cette façon de penser le monde, la pensée complexe, elle arrive parce qu'il y a eu la pensée linéaire, comme tu le disais avant, la pensée binaire avant. Donc c'est encore une autre façon, certes, qui n'est pas, qui est peut-être plus complexe, hein, c'est le cas de son nom, pour penser le monde. Mais ça reste une façon de penser le monde qui, en plus, tu l'as dit très justement, est liée au développement de l'informatique. Donc c'est une façon de penser le monde qui est liée au développement de l'informatique, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde est de la philosophie occidentale actuelle, et en plus tu ne parles que du point de vue politique quasiment. Or, est-ce que ça intéresse beaucoup pour les algorithmes, etc., pour la société de consommation. Oui, super, il y a cette question de pensée complexe, mais ça limite, très limite, et tu crois que dans les personnes... En dehors des partis, la pensée complexe, ça peut les intéresser justement dans le rapport aux autres, mais finalement, il y a tout. Je t'avais déjà posé la question du hasard par rapport à la pensée complexe. Mais, un, c'est pas dedans, et deux, c'est même pas. Donc, la présenter, certes, c'est une. Allez, on va dire, c'est le nouveau jouet des philosophes occidentaux. Voilà. Je vois pas trop comment le présenter autrement. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, parce que c'est forcément plus intéressant que la théorie d'avant, comme chaque théorie est plus intéressante que celle qu'elle a avant. N'en faisons pas la vision du monde ultra, quoi. Oui, ben si vous voulez, même avec les précautions que tu prends, tu restreins l'importance de en disant c'est une pensée occidentale. C'est faux, c'est la pensée des sociétés économiquement développées, et où l'informatique est développée. Donc tu peux dire que c'est la majorité de la planète, même au Groenland, ils ont des ordinateurs, même en Papouasie, ils ont des ordinateurs aujourd'hui. Et donc dire que c'est une interprétation du monde, ça enlève la moitié, les trois quarts des arguments. Une théorie n'est valable que si elle a un impact dans le réel du monde. Pas d'impact, ça vaut rien. Mais toi, tu es en train de me dire que ça n'a pas d'impact. Non. Quand tu as une certaine vision du monde, ça a un impact sur la façon dont tu appréhendes ce monde, donc dont tu vas interagir avec lui, donc sur le monde. Seulement, tu pourrais vivre dans le monde, avoir une autre vision de ce monde, ce qui aurait un autre impact sur ce monde. Mais ça a un impact parce qu'on a cette vision-là du monde. Tu vois ? C'est pas pour autant que cette vision est la vision réelle. Oui, alors c'est pas la vision qui fait l'unanimité. C'est que ce sont les groupes de gens qui ont la capacité d'assimiler cette théorie qui gagnent la bataille aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres visions sont obsolètes. Alors t'as dit que c'est anodin. Je veux dire, Macron a gagné une bataille parce qu'il avait assimilé la pensée complexe. Et nous, on l'a perdu parce qu'on a bricolé. Mélenchon a fait du bricolage. Donc là, les gens, ils parlent comme s'ils savaient ce que c'était que la pensée complexe. Là, on sait ce que n'est pas la pensée complexe. Là, Adèle nous a dit, Eddy m'a dit, ouais, Khaled, tu sais pas ce que c'est la pensée complexe, qui n'est pas linéaire causale. Alors, Adèle a juste rajouté, c'est la pensée qui n'est pas binaire. Ça ne nous dit pas ce que c'est que la pensée complexe. Ça nous dit ce que n'est pas la pensée complexe. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai demandé à Pierre de nous expliquer ce que c'était que la pensée complexe. Il me dit, dans un parti, quand il n'y a plus de lien, c'est ça la pensée complexe. Voilà, dans un parti, quand il n'y a plus de lien, c'est pas la pensée complexe. Quand il n'y a plus de lien, bah voilà, il n'y a plus de lien. Et encore, c'est même pas la cause. La mort du PS, c'est pas parce qu'il n'y a plus de lien. les liens, c'est une que les liens se sont défaits, c'est une conséquence que le PS, il avait plus, justement, il avait plus il arrivait plus à réaliser de parti politique. Un parti politique, ses objectifs, c'est de gagner les élections. Bon, comment elle s'appelle Simone Veil, elle a dit que c'est quelque chose qui doit produire de la passion, oui aussi. Mais moi, je rajoute, c'est quelque chose qui est fait pour gagner les élections, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, pour moi, un propre du parti politique, c'est un truc qui doit gagner, c'est d'avoir le plus de pouvoir possible pour gagner les élections. Voilà. Pour prendre le pouvoir. Un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir politique, c'est tout. Hein. C'est des guerres entre les partis. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de démocratie, d'ailleurs, dans un parti politique. Bon. Le problème du PS, c'est qu'il était tellement assez vu. Et il a commencé à péricliter parce qu'ils ont fait, ils en ont trop fait, quoi. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé avec Hollande, avec Valls, avec voilà. Donc ils ont eu une perte. Et comment il s'appelle, Mélenchon, c'était facile à prévoir. Hein. Mélenchon, il a récupéré les mécontents du PS, hein, c'est tout. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il fait Macron, hein. Je parle pas de pensée complexe, hein, j'ai pas besoin de pensée complexe pour ça. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Ben il récupère le réel. Le réel, c'est quoi? C'est qu'en fait derrière, qu'est-ce qui gouverne? C'est l'Union européenne. Et en fait que t'es les Républicains ou le PS, en fait c'est la même politique. Ça, j'apprends rien à personne. Il récupère ça, c'est tout. Hein. Il récupère des gens des deux côtés, puisqu'en fait, c'est la même politique. Lui, il dit, bah voilà, moi je vais faire vraiment ce qui est le réel. On va arrêter, puisque le côté binaire... Parce qu'avant, il nous faisait une fausse opposition binaire de façon à garder le pouvoir. Un coup à droite, un coup à gauche, mais c'était le même pouvoir. Donc Macron, il s'est dit, maintenant, ce que je vais faire pour... Vu que tout ça, ça commence à devenir obsolète, il s'est dit, voilà, ce que je vais faire... Je vais récupérer les gens du PS et du RPR, des Républicains et du PS, et voilà, je vais créer un parti qui va s'appeler En Marche, qui va en fait récupérer les deux, qui est européenne, puisque derrière ce qui gouverne c'est l'Union européenne, hein, puisqu'en fait la loi du travail, etc., c'est l'Union européenne. Donc voilà, donc après, là ce que vous me dites, vous me parlez, là on est là pour parler de pensée complexe, bah je vois toujours pas ce que c'est que la pensée complexe, moi. Je vois ce que c'est pas, ça tu me l'avais dit dès le début, hein. C'est pas la causalité linéaire, pas la pensée binaire. En plus, t'es en train de dire que ça vient de l'informatique. L'informatique, c'est que de la pensée binaire, hein. C'est des 0 et des 1, et après tu construis des boîtes logiques pour avec des portes logiques et ou non ou etc. Et voilà, et tu crées des calculateurs, tu crées un processeur, c'est comme ça que ça informatique. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la pensée complexe, c'est de la pensée binaire. Et après tu fais de la combinatoire, hein, de l'algèbre de Boole, ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Et avec l'algèbre de Boole, tu crées. Pardon? Bah, j'ai pas lu Prigogine, excuse-moi, Gine, voilà, je... Bah, explique-moi, Maria, ce que c'est que Prigogine, alors. Lis-le aussi, Maria, et... ou alors si tu l'as lu, explique-nous. Explique-nous, au lieu de me parler du haut de ton savoir, explique-moi ce que c'est que la pensée complexe par Prigogine. D'accord. Oui, il me semble que j'ai quand même essayé de définir les bases. Moi, je... Juste une dernière chose à rajouter. Parce que tu parles de l'exemple que tu as donné, là, le fameux exemple avec quand tu chauffes de façon. Quand tu as un chaos, tu crées quelque chose d'ordonné. Mais le problème, c'est que le chaos, il ne se transforme pas tout seul en quelque chose d'ordonné. C'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que tu chauffes de façon linéaire, il y a une cause. Il y a une causalité linéaire qui fait que tu chauffes de façon linéaire et qui crée un ordre dans le chaos. Mais si tu mets pas la chauffe uniforme, si tu fais pas une chauffe uniforme dessous, eh ben t'auras jamais tes dessins, là. Donc en fait je vois pas en plus non plus en quoi c'est je vois pas la pensée complexe dans tout ça. Donc il est là, tu fais quelque chose de tu réchauffes de façon linéaire, mais t'as une cause. Si tu réchauffes pas de façon linéaire, t'arrives pas à créer de l'ordre. C'est comme t'as par exemple de la ferraille, tu mets un aimant dessous et tu crées de l'ordre avec l'aimant. Toi, c'est la même chose. Faites-moi intervenir. Il reste à peu près 10 minutes après. Oui, alors, je, pour ce qui est de Bénard, de l'expérience de Bénard, il n'était absolument pas prévu qu'en chauffant, même uniformément, de l'eau structure en cellules de nid d'abeille. Donc, il y a une cause qui fait qu'on sort du chaos. Mais cette cause était inconnue. Donc, de même que ici, aujourd'hui, dans la situation politique, les partis s'écroulent du tout. Alors, donc, quand même, il me semble que j'ai essayé de définir ce qu'est la pensée complexe. C'est une pensée qui permet de définir un système dans une situation. Thème, c'est un ensemble de boîtes fonctionnelles. Voilà, ça, j'ai défini ça en me servant de la littérature et de ce que j'ai fabriqué moi-même. Donc, analyser un système dans une situation, c'est déjà une pensée scientifique qui n'est pas évidente du tout. Et quand tu as défini le système et que tu as défini les relations entre les boîtes fonctionnelles du système, c'est complexe. Mais est-ce que tu as déjà entendu dire un politique, nous faisons partie d'un système avec des boîtes? Jamais ils t'ont dit ça. Ça, c'est une découverte scientifique qui est liée à l'apparition des cellules de Bénard. Elle est là-dedans. Tu peux trouver Bénard là-dedans. Parce que là, tu peux trouver plein de choses dans ce genre de schéma. C'est un schéma qui s'applique à énormément de choses. Donc, ne me dis pas que je ne définis pas la pensée complexe. Je te dis, c'est une pensée qui nie un système dans énormément de situations. Le gros problème qui s'est posé au moment de l'apparition de Prigogine, c'est que on a dit, ça c'est de la science, parce que chauffer de l'eau c'est de la science, ne peut pas s'appliquer aux sociétés humaines. On s'est mis à étudier les plantes, et on s'aperçoit que les plantes ça marche comme ça. Parce qu'il y a un territoire et que la plante, elle fait comme le territoire, c'est un chaos, c'est de la terre, c'est des cailloux, c'est rien du tout. Et puis, il pousse une plante. Donc, ça, c'est une émergence, la plante. Donc, ça correspond à ce genre de machin. Et le jour où il fait froid, où il n'y a plus d'eau, tu as dans les paramètres, c'est-à-dire dans les liens qui sont là, t'as un lien qui s'écroule. Il y a un lien, c'est la flotte. Il y a un autre, c'est l'oxygène. Et la plante, elle crève. Donc, si tu veux, dans les modèles bio, on s'aperçoit qu'il y a des connivences avec les modèles sociaux. Sauf que les savants qui nous gouvernent, ils veulent pas entendre de l'application de ces lois à la société. Parce qu'à partir du moment où on a une théorie qui permet d'expliquer les événements, c'est la panique à bord. Puisque c'est de la science, c'est accessible à tout le monde. Et ce qui fout la merde, c'est que les ordinateurs permettent d'accéder à ces connaissances. Moi, la simulation de Bénard, tu la trouves sur les sites des universités américaines. Tu vas aller chercher sur les universités françaises, tu ne trouveras pas. Donc, est-ce que c'est plus clair que tout à l'heure? Bon, de toute façon, on va pas y passer toute la nuit, malheureusement. Faudrait bien. Donc, je prends les deux dernières interventions, puis après, tu pourras conclure. Moi, ce que je voulais dire, enfin, après ce que bon, j'ai compris, c'est que il faut non, le chaos est construit, et donc, comment dire, c'est parce que il y a eu ce chaos qu'il y a eu des constructions des différentes parties. Par exemple, le Parti socialiste ne sera plus comme avant. Et, enfin, il y en a qui, pour eux, c'est terminé. Ça se déconstruit en plusieurs parties. On voit chacun construire son parti parce qu'on ne peut plus dialoguer comme avant avec les mêmes critères, les mêmes normes. Donc, tout le monde essaye et est obligé de reconstruire autrement. Et Macron, lui, il a peut-être compris ça avant tout le monde parce que il a su capter tout ça avant tout le monde. Et ceux qui ont voté pour Macron, souvent, pas exactement quel est son programme. Macron, c'est d'abord des images et des mots. Voilà, c'était. Oui, mais ça s'est construit. Et les gens, et comme nous, on a été élevés dans un précédent. Comme il dit, binaire, bon, et très rationnel, on n'arrive pas à appréhender ça. Donc, on est un peu comme victime, quelque part, parce que on subit ça. Adèle, je prends le micro. Je réponds à madame. Si vous voulez, dans certaines conditions, se structure. C'est-à-dire qu'on sort du chaos. Mais par contre, l'inverse est possible. C'est-à-dire que quand vous avez une structure qui s'est stabilisée, si vous prenez le parti politique comme structure, vous pouvez avoir dans l'histoire de ce parti une déstabilisation et un écroulement du parti et ce qui redevient un chaos. Donc on va s'arrêter du coup et puis on pourra reprendre cette intervention une autre fois. Merci beaucoup Pierre en tout cas.